mercredi à Assemblage Requis, on vous présente nos entrevues préférées de 2009. Parmi celles-ci, Marie-Pierre Arthur, Pépé et Vanessa Pariétaire. Tout ça à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées, mercredi 15h.